Bonsoir. Bienvenue à l'émission Les Échangeurs d'air à l'antenne de CKRL le 89.1 à Québec. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Ce soir, nous irons dans les territoires de la musique folk et de la musique exotica. Nous aurons entre autres une pièce inédite du poète et musicien Eden Abbess. Nous allons aussi entendre des nouveautés du musicien irlandais Peter Doran, du groupe anglais Tomaga, du duo californien Sugar Candy Mountain, du musicien new-yorkais Cheval Sombre, ainsi que le tout nouveau disque du groupe suédois Sven Wunder. Alors, on débute ce soir avec Melodia du polonais Stara Reska. But I've been there in a song. Never ever loved like this one. It just keeps rolling on. And I've never been hit by lightning, but I know that life is long. I've never been to the Blue Mountains, but I've been there in a song. And I see the wine, fire in you. I see the mountains blue. And I never killed a man, and I never robbed a train. Never had a deep thought when I'm walking in the rain. And I never lit a holy candle and wished my life would change. I never wished for anything outside this mountain range. And I see the wine and the fire in you. I see the mountains blue. Underneath the stars, far away from time, love, but close to who we are. And nobody can find us, they don't know where to start. We're lost in blue mountains, under golden stars, golden stars. And I see the wine and the fire in you, and your heart's a mountain too. And I see the fire in me and you, and in our eyes the mountain. Sometimes hands and feet. Thank you. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Au microphone et au choix des disques, Jean-Philippe Boisbriand. Alors, on vient d'entendre dans ce premier bloc Empty Bottles du groupe Rose City Band. C'est le projet du musicien et guitariste américain Ripley Johnson. C'est extrait de son disque Summer Long qui est paru en 2020. Ça a été précédé par Hitch a Ride du groupe Cheval Sombre. Cheval Sombre, c'est le projet du musicien américain Chris Porpora. Il est assisté ici de Peter Kember de Sonic Boom. C'est extrait de son tout nouveau disque Time Waits for No One, qui est paru un peu plus tôt cette année. Ça a été précédé par Outside In du duo californien Sugar Candy Mountain. C'est extrait de leur tout nouveau disque Impression. Ça a été précédé par Yum Yum Cult du groupe Tobacco. Tobacco, c'est le projet du musicien américain Thomas Feck, qui est aussi dans le groupe Black Moth Super Rainbow. C'est extrait de son premier disque, Fucked Up Friends, qui est paru en 2008. Juste avant, vous avez entendu The Snake, du groupe anglais Tomaga. C'est extrait de leur plus récent disque, Intimate Immensity, qui est paru plus tôt cette année. Tomaga était à l'origine un duo composé de Valentina Magaletti et Tom Raylene, mais ce disque est la première parution solo de Valentina Magaletti depuis le décès de Tom Raylene. On a entendu juste avant Blue Mountains du musicien irlandais Peter Doran, en duo ici avec Hayley Hendrix. C'est extrait de son tout nouveau disque Voices. Et on a débuté ce bloc avec Melodia du musicien polonais Stara Redzka. C'est extrait de son album Zamknowice Oce Jemi, dans mon mauvais polonais, un album qui est paru en 2015. Après la pause, on se dirige dans un bloc d'inspiration folk. And there the rose calling. back Noah's dump. We'll land flat this river to the one I love. Very well. Woke up this morning and it was drizzling rain. All around my heart was an aching pain. Fare thee well, like Noah's dove, you know I'd fly up this river to the one I love. Came next, even frightened me. their warm colors and their rough peaks. In my mind, I climb them under burning sun, feeling love for everything and everyone. I was wearing red that evening. I often seem to be. Long old lonesome journey. shuffling through the snow. He's a lonesome man, he's a hungry. It's been a time since the last he's ate. And as the night grows colder, he wonders of his fate. For his legs are racked with pain as he staggers through the night. As he sees through his troubled eyes, his hands are returning. Star in the skies above. His father in a mining camp, his mother in the ground. And he's looking for his dad, and he's looking out for love. Just a lost little boy by the railroad track, heading homeward bound. Is that the great Wendigo? Come to look upon my face. And are the stars exploding down misty aisle of space? Who's that coming down the track, walking up to me, her arms outstretched and waiting, waiting just for me? Walk on, little Charlie, walk on through the snow. Moving down the railway line, trying to make it home. And he's made it 40 miles, 600 left to go. It's a long old lonesome journey, shuffling through the snow. êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Alors, on a écouté dans ce deuxième bloc la pièce Clear the Sky du musicien américain Riley Walker. C'est extrait de All Kinds of You, un album paru en 2014. Et ça a été précédé par Charlie Wan Jack, du chanteur-compositeur-interprète montréalais Willie Dunn. C'est extrait de son album Willie Dunn, paru en 1972. Willie Dunn est un chanteur, compositeur et guitariste né à Montréal en 1941 et décédé à Ottawa en 2013. Il est d'origine Micmac. En 1968, il réalise un court-métrage d'une dizaine de minutes pour l'ONF, The Ballad of Crowfoot, qui est une critique du colonialisme et du racisme envers les Premières Nations. Il a enregistré 6 disques durant sa carrière et a aussi été politicien au sein du NPD pendant plusieurs années. Juste avant, vous avez entendu L Rules du groupe new-yorkais Thinking Fellers Union Local 282. C'est extrait de leur premier album Warmed by Leonard, paru en 1988. Ça a été précédé par Wearing Red That Eve, de la musicienne irlandaise Bridget Maypower. C'est extrait de Head Above the Water, un album paru en 2020. Ça a été précédé par Fare the Well, Fred Toons, du musicien américain Fred Neil. C'est extrait de son album Fred Neil, qui est paru en 1966. Juste avant, vous avez entendu Broken Prayer Stick, du britannique Bobby Lee. C'est extrait de son nouveau disque Origin Myths, qui est paru un peu plus tôt cette année. Et on a débuté le bloc avec Lesson to the Roll, du duo féminin de Caroline du Nord, House and Land. C'est extrait de l'album éponyme paru en 2017. Thank you. Not made by man. I've got a mother, sister, and a brother who have gone on before, and I'm determined to go and see them over on the other shore. Pilgrim and a stranger traveling through this wearisome land. I've got a home in that bright city, and it's not made by man. Thank you. Alors, c'est déjà presque tout pour les échangeurs d'air de ce soir. Vous avez entendu dans ce dernier bloc « Prussian Blue » du groupe suédois Sven Wunder. C'est extrait de Natura Morta qui vient tout juste de paraître. Ça a été précédé par « Au bout du monde » du musicien français d'origine algérienne Hector Zazou, de son vrai nom Pierre Job. C'est extrait de son album « Géographie » paru en 1984. « Géographie » est le volume 5 de la série « Made to Measure » qui était paru sur l'étiquette belge « Crammed ». Ça a été précédé par « A Boy and a Melody » du groupe suédois de musique exotica Extawelle. C'est extrait du nouvel album « Eden Abbess Dharmaland » qui vient tout juste de paraître. Il s'agit d'un disque dédié à des pièces inédites de Eden Abbess qui ont été découvertes à la librairie du Congrès par deux réalisateurs d'un documentaire à venir sur la vie de Eden Abbess. Pour la petite histoire, Eden Abbess est le compositeur de la pièce Nature Boy, popularisée par Nat King Cole. Et aussi, on pourrait dire, le grand-père des hippies, car il a fait le tour des États-Unis dans un look avec cheveux longs, barbe, look un peu Jésus-Christ, dans les années 30. Et aussi, la légende veut qu'il ait campé pendant des années sous un des deux L dans la montagne à Hollywood. C'est des pièces qui auraient été composées entre 1961 et 1963, mais qu'il n'aurait jamais enregistrées. Juste avant, vous avez entendu Frog Bug du musicien américain Moondog. C'est extrait d'une compilation Rare Material, une compilation parue en 2006. Ça a été précédé par Home du DJ américain Cut Chemist. C'est extrait de Die Cut qui est paru en 2018. Juste avant, vous avez entendu Every Piano du musicien Wobbly. C'est extrait du nouveau disque Popular Money Tress qui est paru un peu plus tôt cette année. Wobbly, c'est le projet de John Lydecker, un musicien qui est basé à San Francisco, qui a entre autres collaboré avec le groupe People Like Us, le groupe Matmos, ainsi que Negative Land. On a débuté ce bloc avec Arctic Death, de la musicienne britannique Virginia Ashley. C'est extrait de Promise Nothing, un album paru en 1983. Alors c'est tout pour nous ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée à notre antenne.